Medley. Alors le monde, je vais chanter pour ceux qui ont été désenchantés, pour qui le monde entier est un cactus, qui trouve que le monde est stone. J'aimerais leur dire qu'il y a de la joie. Pour cela, je vous fais part de mon témoignage. J'ai encore rêvé d'elle, Lucie. J'ai revu ses yeux revolver. Trois nuits par semaine, je demande à la lune si elle veut de moi. Au clair de la lune, j'entends la voix des sages. Ils me disent qu'il faut savoir aimer. Lors d'une soirée privée, je l'aperçois. Je m'approche d'elle et je fais tomber la chemise. Surprise, elle articule. Au nom de la rose, je ressens quelque chose de Tennessee. Moi, Lolita, au cœur grenadine, alias la femme chocolat, je suis une libertine. Je vois la vie en rose lorsque je danse la javanaise. Je lui rétorque. Mais moi, j'ai besoin de rien, j'ai juste envie de toi, l'Aziza. Je te veux si tu veux de moi. On danse la salsa du démon, on se lâche à Marly-Gaumont. Ces soirées-là, on ne danse pas que la Macarena. Alors je lui prends la main, je suis son partenaire particulier. On a la musique dans la peau. Quand la musique est bonne, je m'emporte comme un ouragan. Tout en suivant le rythme, je lui souffle à l'oreille. Lucie, dépêche-toi, il nous reste trop peu de temps. Il faut vivre pour le meilleur. Si tu veux, je connais un coin sympa, ça s'appelle le Connemara. Là-bas, je te dirai les mots bleus, tu sais, ce qu'on dit avec les yeux. Toi plus moi, on sera au soleil, dans un autre monde. Sous le vent, on va s'aimer, elle m'appelle l'aventurier. On danse la salsa du démon, on se lâche à Marly-Gaumont. Ces soirées-là, on ne danse pas que la Macarena. Je l'emmène dans une berline. Joe, le taxi, nous avertit. Attention, mesdames et messieurs, habillés comme cela, vous allez allumer le feu. Sur la route, on rencontre le petit bonhomme en mousse. Il est en caravane. En se faufilant dans notre chambre d'hôtel, je suis surpris tellement. Il est beau, mon lavabo. Durant une foule sentimentale, je lui confie que je t'aime. Malgré le mistral, gagnant nos déguisements, les démons de minuit nous entraînent jusqu'au bout de la nuit. On laisse parler les gens pendant ces nuits de folie. On danse la salsa du démon, on se lâche à Marly-Gaumont. Ces soirées-là, on ne danse pas que la Macarena. On danse la salsa du démon, on se lâche à Marly-Gaumont. Ces soirées-là, on ne danse pas que la Macarena.